Tu veux savoir si c'est intéressant de se former, tu veux savoir si on a besoin de se former pour réussir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Fred qui a fait de l'immobilier, qui s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas forcément tout, qui s'est formé et là ça a été en fait vraiment quelque chose qui l'a propulsé et qui lui a permis derrière de vraiment passer à la vitesse supérieure que je prône par rapport au fait de se former avant de se lancer dans l'investissement immobilier. Salut Fred. Salut. Bon, merci, je suis vraiment content que de te recevoir pour cette interview. Donc on va commencer, mais juste avant de commencer, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Donc ça, c'est cadeau. Alors Fred, qui es-tu ? Alors je suis Frédéric, 32 ans, j'investis dans la nouvelle Aquitaine. Je suis président d'une société depuis plus de 10 ans et qui s'appelle Expert Téléportation. Donc ouais, c'est un nom un petit peu bizarre. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour aller voir un petit peu ce que c'est, parce que c'est un nouveau concept qui peut être intéressant pour toi, investisseur qui veut gagner du temps, si tu veux faire travailler des gens. Enfin, tu vas voir, il y aura une petite description de la vidéo. Il y a potentiellement des choses intéressantes à faire pour nous, investisseurs rentables. Alors, le projet, j'ai démarré dans l'immobilier un peu par hasard. Je m'étais dit je voulais une résidence principale en fait. Et comme la plupart des gens. Exactement. Classique. Je commence à regarder sur le Bon Coin, je trouve une offre qui ne paraît pas très chère et je tombe sur un lot. Ce lot, c'est deux maisons, un garage, et ça tombe bien parce que j'ai avec moi un collègue de travail et ami qui a déjà fait l'immobilier. Et je lui ai dit, ça serait pas mal, tu prends une maison pour toi et je prends une maison pour moi. Cool, un petit peu comme la doublette, mais c'était déjà fait quoi. Et il me dit, ouais, attends, ça a l'air pas mal ton idée, il faut négocier. Et on va sur place, il essaie de négocier déjà, et moi j'ai un peu peur, parce que je lui dis, le bien va nous passer sous le nez. Moi je voulais économiser 5000 euros, 6000 euros, et au final, on a eu 50%. 50%, donc tu peux donner le chiffre de départ, le chiffre d'arrivée même si... Le chiffre de départ, c'était 90 000 euros, et 90 000 euros. En fait, on a eu 39 500 euros, frais d'agence inclus. Propre. Ouais, c'était cool. Mais... Tu t'étais pas encore formé, hein. Toi, tu n'avais pas encore suivi de formation, tu n'étais pas encore formé. Je ne m'étais pas encore formé. Cet ami avait déjà fait deux investissements à Bordeaux dans lesquels il faisait en colocation. Lui. Du coup, il avait déjà un peu travaillé l'art subtil de la négociation, quoi. Exactement. Okay. Hein, là, les amis, c'est le biais émotionnel qui est super important. Son ami, il lui a permis de faire sauter ce biais émotionnel, sinon... en fait, quand tu te projettes dans un bien, quand tu penses vouloir acheter, forcément, ce qui se passe, c'est que tu n'oses pas aller beaucoup plus bas parce que tu as peur que le bien te file, comme si c'était le seul bien au monde qui pourrait te convenir. C'est ça, c'est exactement cette impression que j'avais. Et en fait, c'était un bien dans lequel ces personnes voulaient s'en débarrasser. C'était une verrue, ils n'avaient pas loué depuis longtemps. Il fallait faire beaucoup de travaux. Il y avait à peu près 50 000 euros de travaux. D'accord. Et donc, ça les embêtait beaucoup de l'avoir. Donc l'idée qu'on a, que mon ami m'a soumis, c'est de répondre quand l'agent nous a relancé, de dire « je suis pas sûr de vous faire une offre, ça serait trop indécent par rapport à mes calculs de rentabilité, je veux vraiment pas vous offenser ». Puis l'agent a dit « faites une offre ». Et on a shooté et ça a été accepté. Ah, le principe de la négociation, c'est qu'est-ce que ça fait de prendre un non ? Tu vas avoir une offre, tu proposes, au pire on te dit non, c'est pas grave, tu passes au suivant. Et là, excellente pépite, c'est tâte le terrain avec l'agent immobilier. Mieux qu'avec le vendeur. Avec le vendeur, ça peut être un peu plus difficile, mais avec l'agent immobilier, tâte le terrain. Parce que je peux pas me positionner, parce que pour que moi je sois rentable, vraiment je pense que je vais vous faire une offre qui est trop basse. Faites quand même. Ok mec, déjà ça veut dire que tu es prêt à négocier, donc on va commencer à travailler. Donc c'est excellent. Et là ton pote, je pense qu'il t'a vraiment donné un gros coup de main là-dessus. Ouais, excellent. Ensuite, du coup ? Eh bien, ensuite, les travaux démarrent. Alors, c'est vrai qu'avec beaucoup de travail, on n'a pas toujours le temps de les suivre. Après, on se dit, on a 2 ans, c'est bon, on voit. Et j'ai commencé à avoir mes premiers problèmes. C'est-à-dire que l'artisan a fait un amendement de chantier et quelques mois plus tard, il a fait faillite. Ça arrive, il y a plein de boîtes en France qui font faillite. Le seul truc, c'est quand c'est un artisan, c'est un peu plus embêtant. Et j'avais du mal à retrouver d'autres artisans parce qu'ils étaient occupés, parce que c'est pas facile d'avoir le bon artisan, de pouvoir contrôler ça. Ma société me prenait beaucoup de temps et d'énergie, je pouvais pas gérer plusieurs corps de métier comme ça. Du coup, Bah du coup, réaction normale, j'en achète un autre. J'achète un autre bien immobilier. T'avais pas fini avec la première difficulté, t'es parti sur un deuxième. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'étais formé entre les deux? Je m'étais pas encore formé. Je m'étais dit, waouh, c'est possible, ça m'avait déverrouillé quelque chose. Et finalement, je tombe sur un autre bien, 100 000 euros, 3 studios. Je négocie un petit peu et enfin, j'arrive au montant de 100 000 euros. Et je trouve ça intéressant. Et c'est là que les problèmes se sont multipliés. Un, je l'ai mal acheté parce que j'avais pas vu qu'il y avait certains travaux de mise aux normes qui devaient être faits, comme l'électricité. On n'a pas le droit de revendre l'électricité, par exemple. J'ai eu un locataire. Tu veux dire que c'était des studios qui n'étaient pas divisés officiellement, en fait? Exactement. D'accord, pas sur le truc classique. Pas sur l'électricité, ils n'avaient pas fait les travaux sur l'électricité. C'était commun. Entre particuliers, tu n'as pas le droit, toi en tant que particulier, de refacturer de l'électricité à un autre particulier. Et là, j'ai cumulé, je crois que je dois être dans les 0,001% qui ont cumulé autant. J'ai eu un locataire qui était retraité, qui était là depuis des années, et qui s'est arrêté de payer son loyer. D'accord. Il était mort ou... Non. Il a arrêté donc, pendant plusieurs mois, donc il a fallu démarrer la procédure d'expulsion, l'appeler régulièrement. Et un autre locataire qui m'a détruit, le deuxième mec, il a vraiment dégradé. Donc tu avais trois studios, un studio, le locataire a arrêté de payer, deuxième studio, le locataire a arrêté de payer, a pourri le studio. Exactement. Et le troisième, c'est ce que c'est. Bon, cool. Donc ce qui était bien, c'est qu'en termes de montant de l'investissement, le fait que le locataire qui payait, ça rattrapait presque en équivalent l'emprunt du fait du montant que j'avais choisi. J'avais une dilution des risques comme ça. En fait, le fait d'acheter des studios comme ça qui sont divisés officieusement, ce qu'on appelle officieusement, forcément, tu vas pouvoir avoir une meilleure rentabilité. Maintenant, il y a un risque qui est quand même important. C'est à la revente où tu ne peux pas vraiment présenter ça comme trois studios différents. Donc toi, c'est vrai que du coup, ça te permettait au moins de couvrir pratiquement ton crédit avec un des loyers. C'est ça. Tu étais pratiquement à 33% dans le ratio loyer-crédit. Exactement. C'est plutôt très bien en tout cas par rapport à ça. Et du coup, alors comment tu t'en es sorti de cette histoire? Et les problèmes ont continué. C'est-à-dire que le premier bien, les travaux n'étaient pas terminés. J'étais toujours avec cette phase de blocage. Et le deuxième, je voyais que ça s'est empiré. Et entre-temps, j'ai déménagé aussi à l'étranger quelques mois. D'accord. Et la situation s'est empirée avec ma société. C'est-à-dire que j'ai pas pu me payer moi, ni ma femme. D'accord. Et donc les problèmes ont encore plus empiré. Du coup, je me suis posé une question de comment faire pour que cela n'arrive plus jamais. Comment faire pour que je ne sois plus dans une situation de difficulté personnelle au point où je ne sais pas comment je vais faire pour manger, je vais être en difficulté. Et je suis entré dans une boulimie quelque part de formation. Ça m'a permis, c'est-à-dire que je regardais des vidéos presque tous les jours. Plusieurs heures, c'était au lieu de regarder la télévision, je regardais 3 heures de vidéo, je me faisais 20 heures, 23 heures. C'était souvent didactique, par plusieurs intervenants, parce qu'à chaque fois on va pouvoir picorer des axes intéressants, des points de vue différents, à les partager sur une communauté, sur des forums, des moyens. Donc le club que tu animes, c'est un véritable moyen d'échanger, de trouver une tribu. C'est ce qu'on a pu voir sur le séminaire aujourd'hui notamment. Et ça m'a vraiment donné de nouvelles cartes. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que je m'étais planté sur beaucoup d'éléments à la fois, sur la gestion de mes travaux, sur mes achats, sur plein de choses, et de pouvoir littéralement accélérer. Aujourd'hui, je suis déjà à 11 biens. Depuis là, pour consulter bien, donc. En un an. Au moment de la formation, tu en étais à 4 biens, du coup. Enfin, tu avais acheté la résidence principale, les 3 studios, donc 4 biens, tu te formes et tu passes de 4 à 11. Je passe de 4 à 11 en un an. À la limite, 4 à 11, ok, mais ils t'ont demandé quelles difficultés pour atterrir ces 11-là. Est-ce que c'est que des galères autant que les 3 premiers? Alors, c'était des galères différemment. C'était des galères plus sur le financement après. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres formations spécialisées sur ce domaine-là où une banque vous dit non, la deuxième vous dit non, la troisième vous dit non, c'est pas grave, vous enchaînez, vous améliorez votre dossier. Et puis ça passe jusqu'à qu'une banque vous rencontre. Alors ça passe, ou des fois ça passe pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'as un dossier, tu fais 20 banques, et la 21e ça passe, quand tu vas toucher ton argent, tu t'en manqueras, tu auras vite oublié que tu avais eu 20 refus, donc tu as sûrement eu quelques refus, et derrière ça a été accepté. Qu'est-ce qui. C'est le mindset que tu as gagné entre ne pas se former et se former. Qu'est-ce qui, chez toi, a fait que tu es passé de 4 lots, dont 3 lots, donc quelques petits gros problèmes, a seulement un problème de financement, et le problème de financement, je rassure tout le monde, tout investisseur va connaître à un moment un problème pour se faire financer. On a tous à un moment un palier. Celui qui te dit qu'il n'a pas de palier, c'est cool, mais c'est qu'il n'a pas investi. Voilà. Si tu investis et que tu lèves les fonds suffisamment, à un moment, tu as une banque qui va dire mon coco, on se calme, et du coup, il va falloir trouver d'autres banques. Donc, ça, à la limite, ça veut dire que tu t'es bien formé et ça t'a permis juste de passer à vitesse supérieure et d'attaquer ton palier. Mais c'est quoi un point que tu as apporté, le fait de te former, de t'entourer du coup de personnes peut-être inspirantes et qui étaient un peu dans le même mindset d'investisseurs? C'est quoi un truc que les formations t'ont apporté? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que justement, je prends des biens avec travaux et je n'y connais mais alors rien. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout manuel, je ne suis même pas capable de mettre un rideau. Hein. Pour donner une idée, je suis vraiment dans l'extrême, l'inverse. Je voudrais tout en général sur ces parties-là. Et ce que ça m'a apporté, c'est surtout des clés, des méthodes, des outils, de la connaissance. Et la connaissance qui me manquait pour pouvoir agir. Soit parce que je pensais que c'était pas possible, soit parce que je ne savais pas comment faire, soit je me prenais un problème qui était tellement facilement anticipable quand on a les clés en fait. Hein. Donc l'investissement, pourquoi cette interview pour moi elle est importante et elle doit te faire comprendre que investir sur toi, ce que tu veux, c'est-à-dire soit c'est du temps, tu vas juste passer plus de temps si tu n'es pas payé, parce que tu vas du coup voir toutes les chaînes possibles, tous les livres possibles, soit investir sur toi en payant une formation, en rentrant dans un club privé, en allant des apéros investisseurs, ce que tu veux, mais investir sur toi, ton retour, ton levier, c'est un levier qui va faire x10, x20, x30 par rapport à ce que tu auras payé. Et si tu ne le fais pas, sache que l'ignorance va te coûter beaucoup plus cher, va te coûter du coup des impayés, un arbre, tu m'avais dit un arbre qui a poussé chez toi. Ouais, quand on fait mal les choses, on commence de travers. Et pourquoi je trouve ça inspirant, c'est que c'est exactement ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé, c'est-à-dire que je me croyais plus fort que les autres. Et du coup, j'ai acheté ma résidence principale, enfin si tu le sais, si on regarde la vidéo de présentation de la chaîne où je me fais interviewer par Goulwen Tristan, j'ai fait la même chose, je me suis endetté à 40%, j'étais en galère du coup. C'est quand j'ai eu un gamin, je voulais m'agrandir, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être se former, parce que si j'en étais arrivé là sans me former, c'est sûrement que j'étais sur la mauvaise route et que tout seul en fait j'étais en train j'étais un peu trop prétentieux et qu'il fallait sûrement me faire aider. Et ce besoin de formation, je te dis pas de passer par mon club privé, par mes services ou par les services de quelqu'un d'autre, juste pose-toi la question et retrouve pour toi le bon niveau de formation. Toi, ça a été beaucoup de chaînes, beaucoup de livres, ça a été quelques formations, des vidéos sur YouTube, des vidéos, un peu de payant, ce que tu veux. En tout cas, repars de cette vidéo quand tu vas fermer à la fin en disant voilà, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, je consacre une demi-heure à me former d'investissement sur moi. Tu te formes en dev perso, en investissement immobilier, mais tu te formes sur toi. Ce qui est très intéressant, et ça a été étudié sur le sujet, c'est la théorie des 10 000 heures. C'est-à-dire que si vous passez 10 000 heures sur un sujet, vous devenez expert. Vous ne savez pas jouer du piano, vous passez 10 000 heures à jouer du piano, vous devez l'équivalent presque de Mozart. Ça peut être quelle visite je vais faire, quel nombre de visites je vais faire par semaine. Au début, les travaux, j'étais vraiment mauvais, je suis toujours mauvais pour réaliser des travaux. Par contre, je suis capable de les estimer maintenant. Je vais visiter un bien, bon, je sais le coût de l'électricité par rapport à la surface, tant au mètre carré ou l'électricité par refaite, ça va coûter entre tel montant et tel montant. Et c'est ça qui est intéressant. Toi, tu es le patron de tes investissements. Donc, en tant que patron de tes investissements, tu es l'architecte. Et tu fais en sorte, voilà, je sais que ça va coûter ça. Je sais que dans ce bien-là, il ne faut pas y aller. Parce que je vois des fissures qui ne sont pas des fissures apparentes, qui ne sont pas des fissures juste pour faire beau, c'est des fissures structurantes de l'immeuble, donc il ne faut pas y aller. Si tu sais ça, derrière, le fait de devoir toi mettre l'enduit ou toi casser un mur, etc., c'est pas notre métier d'un investisseur. Notre métier, c'est de faire faire aux autres. Et en plus, quand on peut faire aux autres, ça ne nous coûte pas forcément très cher si on l'optimise fiscalement plutôt bien. Par exemple, la fiscalité, j'ai découvert ça qu'il y a seulement 2 mois. J'étais en train de faire des logements meublés. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas ce plutôt forfait, je ne connaissais pas le régime réel. Et ça a été absolument génial, puisque je découvrais qu'on pouvait ne pas payer d'impôts pendant 10-12 ans. Il y a aussi ce côté où la connaissance t'amène de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, j'ai un compromis qui a été accepté sur un projet qui est encore beaucoup plus ambitieux, où j'essaie d'acheter un immeuble qui a 15 lots. Voilà, on monte. Si on se forme, on monte. Juste, je te mettrai dans le petit i là en haut de la vidéo. Un lien sur une vidéo que j'ai fait pour présenter la location meublée et faire une petite comparaison entre le forfait et le réel et voir la puissance du réel si c'est bien fait et du choix vraiment important de l'imposition que tu vas faire. Par contre, ne grille pas les étapes. Ne fais pas une fixette sur l'imposition alors que tu n'as pas trouvé les biens. Trouve les biens et travaille ta fiscalité, ton imposition, etc. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est cette comparaison, comment dire, je suis parti dans cette période où j'étais un peu boulimique, j'ai voulu acheter, j'étais payé au SMIC. J'avais pas d'épargne. Donc tout est possible. Il suffit de bien maîtriser. Quand j'ai appris à parler le banquier, ça m'a déverrouillé et ouvert des portes que je n'avais pas. Il n'y a pas forcément, effectivement, tout le monde ne part pas sur la même ligne de départ, c'est une certitude. Mais par contre, la connaissance, c'est un élément qui, finalement, qui est vraiment différenciant par rapport à beaucoup de choses. C'est presque ce qui est le plus intéressant. C'est ça. Aujourd'hui, c'était trois trucs. Un, des revenus réguliers. Deux, de la connaissance. Et trois, bouger tes fesses et passer à l'action. Si tu fais toutes les formations au monde, déjà je t'accepterai pas dans mon club privé. Si c'est pas pour, t'es pas motivé à passer à l'action, moi je t'accepterai pas parce que je veux des gens qui soient motivés à passer à l'action. Par exemple, si tu es motivé à passer à l'action, que tu te formes, que tu as des revenus réguliers, même si t'es pas en CDI, ce sera un peu plus dur, mais tu pourras le faire. Là, tu es sûr d'y arriver. Et au fur et à mesure, voilà, on passe de biens par opportunité où on s'est fait un peu coopter par son pote. C'est ça. À trois studios où on s'est fait un petit peu. Alors on a acheté pas très cher, mais on s'est fait un peu arnaquer parce que mine de rien, en soi, bah, c'est pas trois studios, c'est qu'un seul appartement que tu as acheté, puisque c'est pas divisé officiellement. À 7 lots, à 11, combien 11 et puis prochain, 15 d'un coup. Et 15 d'un coup, bim. Donc si tu penses que ça coûte cher de se former, je t'assure, continue à pas te former, mais ça va te coûter vraiment beaucoup. Beaucoup plus cher. Ouais. Merci. Si tu voulais rajouter quelque chose, non, il y avait, avec grand plaisir. Il y avait une phrase que j'avais entendue aussi qui était si vous pensez dans l'analytique que acheter de la donnée ça coûtait cher, la big data ou autre, ouais. Essayez les mauvaises données. Try bad data. C'est presque ça. C'est la même chose. Va sur la mauvaise route, suis les mauvaises personnes, suis ta famille. Donc j'adore mes parents. Enfin, maman, papa, je vous aime. Mais en immobilier, je ne vais pas les écouter. Parce qu'ils ont peur pour moi. Et c'est normal d'avoir peur pour toi. Quoi. C'est que tu dépasses le million d'euros, tu continues. Et les gens, ils sont autour de toi avec les thèmes. Hein. Voilà, on m'appelle le fou dans ma famille. Ah, hein. Plus on m'appelle le fou sur mon dev perso, sur mes investissements. Sur... Et plus je me dis, c'est bon, Damien, t'es du bon côté. Là, on est dans un séminaire de fou, avec plusieurs personnes qui sont folles. Donc là, je voulais interviewer un, mais je pourrais en prendre d'autres. Enfin, là, j'ai voulu prendre un cas qui peut t'inspirer parce que tu te poses forcément des questions. Tu as acheté ta RP. Est-ce que je me forme? Est-ce que je me forme pas? Il n'est jamais trop tard pour te former, pour optimiser les choses. Merci à toi. Merci, c'était top. C'était top. Si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Partage-la à tes amis investisseurs hein, qui veulent tout savoir de l'investissement immobilier. Fais connaître Esprit Gagnant. Mon unique but, c'est te faire passer à la vitesse supérieure et te faire avoir des investissements rentables. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube. Quand tu cliques sur le petit bouton s'abonner, tu auras une petite cloche. T'appuies dessus. Comme ça, tu recevras toutes les notifications pour les prochaines vidéos. D'ici les prochaines vidéos, je te dis à très bientôt. Nous retournons au séminaire tout à l'heure. Bye bye!